durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons un lieu singulier pour transformer ensemble nos consciences par l'art et la nature. Nous sommes en Alsace, dans le Bas-Rhin, plus précisément à Klingenthal, avec 4 des 10 membres fondateurs d'un espace qu'ils ont investi, et l'on verra que ce n'est pas juste une formule de style, et qu'ils ont baptisé le domaine de la chouette. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Francine et Francis Gartner, Céline Campeto, Emmanuel Mouillon, bonjour. Bonjour. Le domaine de la chouette, c'est quoi? Qui veut se lancer? Emmanuel Mouillon. Le domaine de la chouette, c'est transformons ensemble nos consciences par l'art et la nature. Vaste programme. Eh oui, ambitieux. Ouais. Alors on est là. Et on s'inclut. Hein. On est là un peu au frais, il faut dire encore, hein, dans cette partie du manoir, parce que c'est comme ça qu'on dit. Oui, tout à fait. Et on verra d'ailleurs que c'est un ancien manoir absolument magnifique. On a là au dos une pièce, je vais encore rien dire, mais quasi historique. On est là dans une partie véranda. Exercice radiophonique, Emmanuel Mouillon, présente-nous les lieux. Alors, on est en fait sur un domaine qui est situé au-dessus d'Aubernay, à Klingenthal, une commune qui dépend de Börch. On a 1,3 hectare de terrain sur lequel on a prévu un certain nombre d'activités. Il y a 2 bâtiments, donc comme vous l'avez cité, un manoir qui est de la fin du 19e siècle, on verra un peu son historique par après, et puis un autre bâtiment qui a été construit en 2 phases, une phase dans les années 70 et puis une phase dans les années 80 qui fait à peu près 900 mètres carrés et donc le manoir à peu près 500 mètres carrés, donc 1400 mètres carrés en tout. De surface. Alors on est un peu en plan incliné, ce qui en plus permet d'offrir une vue un petit peu sur la vallée si on se penche, mais c'est surtout enserré dans un écrin de montagnes, des Vosges, puis on n'est pas très loin du Mont Saint-Odile, Emmanuel. Tout à fait, le Mont Saint-Odile est à 8 minutes, on est également à 15 km de la station de ski du Champ du Feu, donc c'est vrai que c'est un endroit qui est absolument magnifique autour de nous, comme vous le décrivez, c'est un cirque. Et puis on a aussi la chance d'avoir multiples châteaux, dont le château d'Autrotte, qui est à quelques pas d'ici. Quoi. C'est l'Alsace finalement, vous êtes au cœur de l'Alsace. Exactement. Emmanuel Mouillon, je ne sais pas si parmi les autres personnes présentes souhaitent intervenir, bien sûr, n'hésitez pas. L'association art et culture, ici au domaine de la chouette, pour l'instant c'est un projet, parce qu'on verra que pour l'instant encore le site est en travaux, et c'est peu de le dire. C'est assez singulier comme démarche. Oui, c'est singulier comme vous le dites, et en même temps ça répond presque à une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut trouver de nouvelles manières de financer la création artistique et la culture. Et donc c'est un projet qui a été pensé depuis 6 ans en couple avec moi-même et Céline Campeto. Et ensuite, on a fait appel à des personnes qui sentaient aussi cette urgence, cette nécessité de trouver des manières alternatives de financer, de créer une économie autour de l'art qui soit nouvelle. Alors, quand on est arrivé ici tout à l'heure, on a fait un peu de repérage, comme on dit, on a commencé à visiter les lieux, et plusieurs fois, je vous ai dit, mais vous êtes fous, vous êtes cinglés, c'est un projet gigantesque. Alors, il y a une réplique, c'est « vous êtes fous ?» Oh oui. Donc, c'est un peu ça, oui. Fou et en même temps, les pieds, nous, on a l'habitude de dire qu'on est entre terre et ciel. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà, et les pieds sur terre. Et donc, on est, on pourra en reparler, mais on a des parcours assez particuliers les uns et les autres, qui offrent aussi quand même une certaine stabilité, sérénité quant à nos partenaires, qu'ils soient financiers ou des personnes qui viendront sur le domaine. Donc ça a été réfléchi, mûrement réfléchi. Et puis quand on a trouvé ce lieu, en fait, plutôt que de se lancer comme ça un peu à l'aventure, ça a été déjà de voir si le projet pouvait intéresser d'autres personnes. Et donc on a contacté des personnes de notre entourage, on a commencé par le réseau le plus proche, et puis on a élargi, et puis on a rencontré des gens aussi fous que nous, voilà, avec les pieds bien sur terre aussi. Et voilà, on est toujours bien entre fous. Voilà. Et donc, dont Francine et Francis Gartner qui sont ici présents, qui nous ont rejoints juste avant l'achat, parce que l'achat s'est fait le 25 janvier 2019. Et on s'est rencontrés pour l'Épiphanie le 6 janvier ici au domaine. On avait déjà échangé auparavant, on se connaissait déjà depuis un petit moment. Mais sur ce projet, c'était vraiment l'occasion de se rencontrer et d'en discuter. Et puis, on a eu envie, mais ils en parleront tout à l'heure, de rejoindre l'aventure. Et puis quand je dis que vous êtes fous, c'est quand même un projet d'ouverture fin de l'année 2020. Alors on est même un peu plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on voudrait ouvrir octobre 2020. Bon, c'est vrai que c'est très ambitieux. Après, on a déjà fait beaucoup de chantiers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait des chantiers participatifs. Il y en a eu tout l'été. Il y a 58 personnes qui se sont succédées ici sur le domaine, qu'on a accueillies, logées, nourries. Voilà, et c'est vraiment fabuleux parce que ça met une énergie tout à fait particulière. Alors moi, je vous suis complètement dans votre délire parce que c'est un délire tout à fait sérieux et on le verra. Le domaine de la Chouette dans 2 ans. Ça fonctionne comment et c'est quoi très concrètement ? Ce qu'on voudrait faire au niveau du domaine de la Chouette, c'est à la fois accueillir, comme Emmanuel l'a dit, des artistes en résidence pour faire de la création artistique, mais pas n'importe quels artistes non plus. On souhaiterait avoir des artistes qui ont un petit peu les mêmes sensibilités que nous, c'est-à-dire développer un art qui soit ouvert au sacré, qui soit ouvert à une conscience humaniste et développer une relation également à la nature. Avec Francine Gartner, des artistes susceptibles de venir du monde entier. Tout à fait. Ça peut être ouvert à toutes les sensibilités, toutes les origines possibles. Et en même temps, accueillir des spectacles ici sur le site, puisqu'on aura à la fois une petite salle de spectacle, enfin une petite salle, capable d'accueillir quand même 70 personnes au niveau du public et une jolie scène intérieure. Mais on a également un bel espace extérieur où on aimerait organiser un festival d'été. En plein air. Et à côté de ça, on voudrait également accueillir des stages de différentes disciplines, mais également ouvertes comme de la danse, du théâtre, du tai chi, de la méditation, enfin des danses ouvertes à un côté bien-être, un côté harmonisation de l'être, non seulement sur le plan physique, mais également spirituel. Pour pouvoir justement occuper les lieux et nous aider aussi par l'occupation des espaces collectifs ici au niveau des chambres à financer l'accueil des résidents qui seront là au niveau artistique. Et quand vous parlez d'artistes, Francine Gartner, il y a des disciplines de prédilection où c'est tout art confondu et le plus large possible ? Alors ça peut être assez large, mais ce qu'on aimerait, c'est plus des artistes, des arts vivants. En fait, ça peut être du théâtre, ça peut être de la danse, ça peut être du conte, ça peut être du cirque, ça peut être de la musique, bien sûr, évidemment. Vous faites des gestes à gauche et à droite, pour pas en oublier. Voilà, pour pas oublier, mais ça peut être très large, en fait. Et il peut y avoir des artistes, bien sûr, qui combinent des disciplines. Souvent au niveau des contes, ils peuvent être à la fois conteurs, musiciens, danseurs, théâtre, enfin voilà. Et puis ils ont aussi, j'imagine, une sensibilité, vous l'avez dit, Francine Gartner, une sensibilité à l'écologie et à l'environnement, parce que vous avez aussi alors je n'aime pas trop le terme d'aménagement, mais vous avez un projet tout autour aussi de ce manoir ici au domaine de la Chouette à Clientèle. C'est ça. Francine Gartner, peut-être. Oui, en effet, on a l'intention de mettre en place un maraîchage en permaculture qui sera aussi là pour alimenter la partie restauration de notre établissement, mais aussi à côté de ce maraîchage, une activité, un jardin plutôt des cinq sens qui permettra aux gens de découvrir tout ce que nos cinq sens peuvent appréhender dans la nature, un jardin des plantes médicinales puisqu'on a plusieurs personnes actives dans le domaine de la santé par les plantes, qui seront disponibles pour aider les gens à comprendre l'avantage des simples. Pour la petite histoire, il y avait à Klingenthal un médecin à l'époque de Napoléon qui soignait les gens gratuitement avec les simples. Donc on va essayer de retrouver cette sensibilité. Avec peut-être la tradition manufacturière d'armes blanches qu'on va oublier, qu'on va laisser de côté. Oui, on va laisser ça à la guerre. On n'y tient pas trop, au contraire. Mais voilà, et donc on a un espace extérieur naturel qui est aménageable et on va essayer de mettre ça à la disposition des gens pour qu'ils puissent découvrir et toucher la nature au niveau sensible. On a également prévu d'aménager un sentier pieds nus, un parcours pieds nus, pour que les gens puissent découvrir la terre nu-pied. Et en dehors de cela, l'espace aussi a été agréé par la Ligue de protection des oiseaux. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Je cherchais les notes, je tirais sur mes cordes, je bousculais les accords, j'ai joué avec les croches, je tentais de trouver la clé de mon morceau pour envoler l'air de ma compo. Je courais sur les gares et trouver une trame, je suivais en cachette les blanches et les noires, décidé à l'égo, cette balade en fête, puis reprendre adagio le chemin du soir. Comment t'as fait, toi chanteur, pour trouver les bons airs? Comment t'as fait, toi le peintre, pour trouver les bonnes couleurs? Toi l'écrivain, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi l'artiste, comment tu fais pour peindre ces tableaux? Comme une vague qui t'emmène, tu ne sais pas où tu vas. C'est les mots qui te viennent, qui tracent de leurs doigts le chemin inconnu des pensées incongrues, en volant les débuts tes idées préconçues. Et dans ce nouveau monde, progressivement s'esquisse la folie romanesque de paroles vagabondes. La magie de ses fraises, presque comme une éclipse, en moins d'une seconde s'en va et puis revient. Comment t'as fait, toi chanteur, pour trouver les bons airs? Comment t'as fait, toi le peintre, pour trouver les bonnes couleurs? Toi l'écrivain, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi l'artiste, comment tu fais pour peindre ces tableaux? Comment t'as fait, toi Wagner, pour trouver les bons airs? Comment t'as fait, toi Turner, pour trouver les bonnes couleurs? Et toi Hugo, comment tu fais pour faire chanter les mots? Et toi Jericho, comment tu fais pour peindre tes tableaux? Tu es l'encre de mes écrits, tu es l'air de mes mélodies, le pigment de mes peintures, la terre de mes sculptures. Tu es l'encre de mes écrits, tu es l'encre de mes écrits, tu es l'air de mes mélodies, l'air de mes mélodies, le pigment de mes peintures, la terre de mes sculptures. Comment t'as fait, toi chanteur, les bons airs? Comment t'as fait, toi le peintre, pour trouver les bonnes couleurs? Toi l'écrivain, comment tu fais pour faire chanter les mots? Nous sommes toujours avec Francine et Francis Gartner, Céline Campeto et Emmanuel Mouillon, ici au domaine de la Chouette, à Clienthal, c'est à côté d'Aubernay. Quelle est l'origine de cette bâtisse, Emmanuel? Quelle est l'origine de ce manoir, parce que c'est le nom que l'on donne? Oui. En fait, il a été construit à peu près en 1896 par une famille qui s'appelle la famille Stilling, qui était une famille juive allemande, et l'Alsace était encore allemande à cette époque. Et donc, en fait, lui était ophtalmologiste à l'université de Strasbourg, et madame vivait de ses rentes, en fait. Et ils étaient tous les deux bienfaiteurs ici quand ils venaient en villégiature. C'est-à-dire que monsieur donnait des soins gratuits. Et puis madame était donnée au culte catholique et protestant. Donc c'est intéressant pour l'histoire parce qu'ensuite, en 1966, c'est devenu, donc c'est la FOL, qui Fédération des œuvres laïques, qui a racheté donc ce lieu et qui en a fait une colonie de vacances. et jusque 2014, fermeture du lieu et mise en vente. Alors on est ici dans une des peut-être plus belles pièces du manoir, Céline Campeto, avec des marqueteries. Oui, avec les belles marqueteries de Charles Spindler. Donc on est très très content et même honoré d'avoir des marqueteries de ce grand artiste d'art total, hein, parce qu'on le connaît pour les marqueteries, mais c'était un poète, c'était un artiste peintre, c'était un sculpteur, enfin il faisait vraiment énormément de choses. Et donc là on a 4 marqueteries dans cette salle avec du bois au mur, les décorations aussi des fenêtres qui ont des formes particulières. Et puis, certaines hauteurs sous plafond. Quel est l'avenir de ces 3-4 pièces d'enfilade? Alors là, au rez-de-chaussée du manoir, ça sera les salles de restauration et la salle où il y aura la marqueterie, j'espère bien. En tout cas, moi, dans mes rêves, il y a une cheminée. Et je pense que dans les rêves d'Emmanuel, c'est un endroit genre lunch avec café jazz, bar, avec un petit piano. Voilà. Merveilleusement. Quand vous dites restauration, Céline Campeto, c'est restauration, bien sûr, pour les artistes résidents. Peut-être le public ? Les artistes, c'est vrai, mais pas que. Hein, surtout le public qui viendra au spectacle, mais aussi à tous les groupes qui viendront en résidence, en formation chez nous. Le manoir est imposant, il y a encore tout l'espace à côté, puis il y a 1,3 hectare à l'extérieur. On ne va pas pouvoir tout faire, mais on va visiter quand même cette bâtisse extraordinaire, Céline ? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Durablement vôtre, Eric Mutschler. On est arrivé à l'étage, Céline. Alors là, c'est une enfilade là aussi de pièces qui va être l'utilisation d'usage. Oui, voilà. C'est toutes les chambres collectives. Hein, donc on va rester dans une ambiance vraiment, très sympathique d'hostellerie. Donc les gens vont être à plusieurs. Et puis là, on arrive sur la pièce qui donne sur le joli balcon. C'est quand même assez incroyable parce qu'on a là une vue sur Klingenthal. Oui, là c'est toute la vallée de Klingenthal, Le château de Trotte, nous dit Francis Gartner, et puis alors une esplanade en bas. Qui sera la scène d'été pour le festival d'art en plein air. Ça veut dire qu'il y a là un véritable potentiel à la fois écologique, naturel et artistique. Mais vous en doutiez encore ? Mais non, moi j'en suis absolument convaincu et on a hâte de le voir véritablement se mettre en route. J'imagine que vous aussi. Il y a encore un étage ? Oui, ce sont les logements de fonction qui seront sous les toits. Combien de personnes, allez, on va dire quand tout ça va se mettre en route fin 2020, on peut imaginer que le domaine de la Chouette ici à Klingenthal, dans le Bas-Rhin, projet alliant art et nature dans une perspective d'éveil de conscience, je ne sais pas si je réveille, ouais, si c'est je bien, comme ça. Résume correctement, ça va être une ruche de combien de personnes ? En fait, la capacité d'accueil des groupes qui viendront, ça sera entre 60 et 70 personnes. Plus le public qui va pouvoir assister pour les spectacles, etc. Voilà, donc là, la jauge pour la salle de spectacle, c'est aussi 60, 70 personnes qui pourront venir en complément des gens qui dormiront là. Oui, je voudrais encore ajouter qu'on a actuellement déjà des ruches et qu'on a aussi un projet de créer à l'extérieur un petit musée de l'abeille que les gens qui viennent sur le domaine pourront visiter. Francis Gartner, vous, votre truc, c'est l'extérieur, c'est le jardin, c'est l'écologie. Oui, parce que je suis aussi membre des Incroyables Comestibles, donc à ce titre-là, j'ai bien l'intention de faire en sorte que l'extérieur soit très accueillant et permette de montrer que la nature nous nourrit, nous en faisons partie et qu'on a vraiment besoin d'elle. Avec en perspective aussi le fait d'être en forme d'autarcie alimentaire, est-ce qu'on peut imaginer que les gens ici en résidence seront nourris avec les productions du domaine de la Chouette ? Alors la surface ne permettra pas une autarcie alimentaire complète, mais bon, dans la mesure où le taux de remplissage ne sera pas forcément 100%, pour un taux de remplissage de 25-30%, peut-être qu'en période d'estival, on pourra nourrir les gens avec les produits locaux. Voilà, et puis j'ajoute simplement que on va travailler localement. C'est-à-dire que avec les fermes qui sont voilà, en bio, on a une ferme qui est Déméter aussi, qui est la ferme du Truthenhausen. J'ai toujours un peu de mal. Truthenhausen et donc est bio et Déméter. Voilà, et ça, ça va venir compléter donc notre besoin de denrées. Alors on va quitter ce petit balcon là sur lequel on est, ici le domaine de la Chouette, et puis alors il y a encore un autre espace, un autre bâtiment que vous appelez je crois l'atelier. C'est ça, puisque ça va être en fait l'atelier de création artistique avec la salle de spectacle. On vous suit. C'est vraiment réservé à des groupes. On est passé cette fois-ci dans d'autres bâtiments en quittant le manoir. On a pris un petit chemin à travers le parc. On est toujours avec vous, Emmanuel Mouillon, ici dans cette partie atelier destinée à quoi à terme ? Alors là, on est dans la partie rez-de-jardin. Donc cette partie-là, ça va être les salles à location, puisque notre vocation, ce n'est pas de faire de l'hôtellerie classique. C'est vraiment de l'accueil, c'est de l'accueil de groupes en résidence et qui viennent ici, par exemple, pour se former ou un séminaire d'entreprise avec une appétence pour l'art et la nature. Donc deux salles, une salle de 140 mètres carrés et une salle de 70-80 mètres carrés avec au centre toilettes, kitchenettes partagées. Il est peut-être encore un peu tôt, j'imagine, pour parler tarifs, mais on a déjà des idées. On a déjà des idées. Alors, on a trois formules. On a une formule vraiment, donc ça, c'est au manoir, c'est hébergement auberge collectif, où là, on est type auberge de jeunesse. Ensuite, sur l'atelier, on a plutôt des petits studios avec mezzanine. Et puis ensuite, on espère pouvoir mettre à peu près 5 cabanes avec différents modèles d'habitation alternatives comme les tiny houses. Et donc là, on aura encore un nouveau tarif qui sera le plus élevé, puisque là, ce sera plutôt pour un couple. Donc ça va osciller entre, je dirais, 60 euros et 120 euros maximum. Voilà. Sachant que nous, le minimum, c'est 2 jours, c'est-à-dire qu'un groupe vient pour un week-end, puisque dans l'économie qu'on a prévue, il faut nécessairement qu'il y ait une pension complète pour que ce soit intéressant aussi pour nous et que économiquement ça puisse fonctionner. On vous suit dans la quatrième partie, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'il y a des espaces qu'on n'a pas eu le temps de visiter, à l'étage, avec la salle de spectacle. Tout à fait. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Donc on est là dans les anciens locaux de colonies de vacances, un peu déstructurés quand même parce que les travaux ont commencé, Céline Campetto. Alors c'est ici que aura lieu la salle de spectacle. Expliquez-nous, exercice radiophonique. Oui, absolument. Donc en fait là, les gens vont pouvoir découvrir une salle qui aujourd'hui ressemble pas du tout à une salle de spectacle, mais plutôt à une salle polyvalente. Et puis on a eu la bonne idée de regarder sous les toits et de tout enlever. Et puis on va enlever aussi le plancher pour qu'on puisse avoir vraiment de la hauteur sous plafond. Et puis comme ça, il va y avoir un espèce de charme qui va se mettre en place. On va avoir une jauge de 70 personnes avec des gradins rétractables, ce qui va permettre aussi d'avoir une salle quand même pour travailler, pour la résidence d'artistes. Et donc ici, ce seront à la fois des espaces, comment on peut dire, de répétition pour les artistes, mais aussi pour en une capacité programmation d'accueillir, avec, comme vous dites, une programmation capable d'accueillir du public extérieur pour assister aux différents spectacles. Est-ce que vous avez déjà travaillé précisément sur cette programmation en 2021 fait, En principe, vous devriez l'avoir déjà préparée. On devrait être prêts, mais c'est ça. Mais nous, les principes, ça fait vraiment deux. Mais n'empêche qu'on a bien travaillé. Ça fait 5 ans qu'on on va à plein de spectacles. On a chacun aussi nos artistes fétiches qu'on commence à inviter. Et puis d'ailleurs, on s'est dit que là, d'ici l'ouverture, il fallait qu'on crée aussi des événements. Donc on a commencé. On a invité l'artiste Barrio Eco il y a 2 mois. On vient de fêter nos 1 an de la SCI et de l'achat du domaine. Et on a invité Alexandre Bodac, un très grand pianiste virtuose. Donc on va faire comme ça des événements là en ce moment, en dehors du lieu, mais déjà pour commencer à se faire connaître, et aussi parce que ça fait 5 ans qu'on va par exemple au Festival d'Avignon avec Emmanuel pour trouver justement des compagnies qui ont des spectacles à message. Donc, des idées de gens à inviter et des compagnies à inviter, on en a plein. Il va falloir vraiment trouver le financement pour permettre tout ça. Et notre idée, c'est aussi de faire une programmation sur fin de semaine, le vendredi soir, pour les gens de la région ou de la ville d'Aubernais. Et puis samedi, dimanche, pour les gens qui viennent d'un petit peu plus loin. Est loin de nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, et qu'à cela ne tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le fer est bien rempli. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé. Tu m'as ramené à la maison en chantant, en marchant à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile. Sur un navire, j'ai mis la voile. Connaître plus que l'étranger, sachant très bien où il allait. Buvons encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je t'ai raconté mon mariage à la mairie. Je rigolais de mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. Voilà fêté de retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi, t'es marié, t'as 3 enfants à faire manger, mais j'en ai 5, si ça peut te consoler. Le domaine de la Chouette, c'est à Klingenthal, tout près d'Aubernais, dans le Bas-Rhin, en Alsace. On a compris le projet alliant art et nature, j'ai envie de dire ça comme ça, et de le résumer comme ça. On a vu également ce lieu magnifique, chargé d'histoire, mais le domaine de la Chouette, c'est aussi une véritable aventure humaine. Céline Compéto. Oui, alors absolument. Oui, absolument, c'est une grande aventure. En fait, donc ça a commencé il y a longtemps avec le couple donc d'Emmanuel et Céline. C'est un peu comme une histoire, il était une fois. Il était une fois, c'est ça, un couple qui a eu une grande idée, qui a fait mûrir cette idée pendant quelques années et qui s'est entraîné aussi avec toute une aventure à Strasbourg, histoire de créer du réseau en fait et aussi de la confiance. de manière à rencontrer des gens qui allaient permettre de réaliser ce grand rêve. Hein. On savait bien que c'était un grand rêve qui nous était quelque part confié, mais qu'on ne pourrait pas le réaliser que tous les deux. Et donc, l'aventure à Strasbourg nous a permis de rencontrer des gens qui sont rentrés dans l'aventure avec des compétences, avec des appétences, avec un désir fou de faire quelque chose pour le futur et pour qu'il soit meilleur. Donc ça a commencé à deux et puis ça a grandi progressivement de plus en plus pour arriver à cette création, on va dire à 11 membres fondateurs et ensuite de rentrer dans la folie de l'achat. Donc l'achat, ça a été avec un premier grand bienfaiteur pour nous, dont on reparlera, mais voilà, c'est vraiment... Donc, la première rencontre qui nous a permis de vraiment nous dire c'est bon, on va y arriver, on va le faire. Donc c'était la rencontre avec Daniel Bins, qui est vraiment pour nous le bienfaiteur du projet. Et qui est ce monsieur ? Et ce monsieur, c'est quelqu'un qui travaille dans l'immobilier depuis plusieurs générations, avec 4 générations je crois, et gestion de patrimoine, etc. sur Strasbourg et l'Alsace. Et lui, il a aimé en fait la grandeur justement de notre projet. Tant qu'on lui parlait pour être un petit peu raisonnable des choses, il nous disait oui, c'est bien. Et puis quand on lui a vraiment lâché complètement notre grande idée qui est que ici c'est le premier et puis qu'un jour il y aura un grand réseau de théâtre libre et indépendant pour que les artistes qui ont des belles choses à dire puissent le dire dans la France tout entière, là il a dit bingo, là j'y vais, c'est possible. Parce que Céline Campeto, parfois l'écologie, l'art, alors dans certains domaines, surtout artistiques, on n'a pas peur de l'argent, mais c'est pas courant. Il a fallu acheter ce domaine. Est-ce que c'est indiscret si je vous demande le montant ? Et puis alors, les travaux vont être conséquents. Oui. Ça fait partie aussi, ça, de l'affaire humaine. Et puis j'aimerais que vous nous disiez quand même quelques mots sur, si c'est possible, des membres fondateurs. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de tabou. Hein. De toute façon, c'est une aventure collective. Pour nous, tout le monde est invité à participer à cette aventure. Donc, nous, on est vraiment sur la transparence. Et pour nous, c'est la clé de la confiance d'être transparent. Donc, ce lieu, il avait une certaine somme, évidemment, au départ. On a eu aussi une sorte de providence avec... la Ligue de l'enseignement, c'était donc les anciens propriétaires qui nous ont fait une proposition d'achat à 700 000 sans conditions suspensives. Et donc, Daniel Bins, étant du métier, il a dit on y va, c'est sûr, on lâche pas. Et donc, moi, j'avais vraiment comme conviction profonde que ce berceau pour l'art et la nature et pour le futur devait être... libre en fait des prêts bancaires. Et donc Daniel et comme Emmanuel venant du monde de la banque aussi, ils m'ont dit mais c'est complètement dingue, on avait 300 000, il en fallait 700, c'était comme pas possible. Mais en fait moi j'avais cette conviction profonde que non, il fallait que ça soit vraiment des parrains, des marraines qui donnent de leur énergie pour ce projet, pour que ça commence vraiment avec la vie et pas tout de suite avec une chaîne au poignet ou au pied. Et donc, ça s'est fait. Je ne vous raconterai pas tout. Si ça vous intéresse, venez au domaine. Mais en tout cas, en janvier, donc ça, c'était en août. Hein, et en janvier de l'année d'après, on avait rassemblé 700 000 euros par des prêts d'êtres humains qui nous ont prêté l'argent pour un an. Ils n'ont pas parlé de logiciel, là. Maintenant on est fin janvier et un an plus tard et on a bien tenu notre parole, on a remboursé tous les gens qui nous avaient prêté, leur confiance, leur espérance et leur denier. Mais en fait, ce qui était le plus important, c'est qu'ils nous fassent confiance sur ce projet. Et c'est finalement leur engagement et leur amour pour ce projet qui fait que le rêve devient réalité. Là, vous nous avez parlé, Céline Campeto, de l'achat. Il y a aussi toute la partie travaux. Et puis aussi la partie gouvernance. Comment ça va se gérer ? Parce que les avocats sont habillés en noir parce qu'ils portent des illusions humaines. C'est aussi une aventure humaine. Il va falloir gérer tout ça. Je ne sais pas si... j'imagine que oui, vous avez déjà réfléchi à la question, Emmanuel Mouillon. Oui, bien sûr. Alors, le projet, on a pris conseil auprès d'experts comptables, de juristes. Donc le projet a évolué depuis l'origine, mais donc il y a une SCI qui s'est portée acquéreur des bâtiments et qui a demandé un financement bancaire quand même pour la partie travaux, avec le souhait de pouvoir faire rentrer des nouveaux investisseurs assez rapidement. Alors nous, on ne parle pas d'investisseurs, on parle d'acquéreurs. Parce que souvent, quand on parle d'investissement, on attend une grosse rentabilité. Or nous, ils deviennent acquéreurs, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont propriétaires d'une partie d'un très beau domaine. Et puis, il y aura une petite rentabilité, mais ce ne sera jamais quelque chose d'immense. Voilà, donc ça, c'est pour la partie, je dirais, foncière. Et puis ensuite, il y a la partie artistique. Donc, la gouvernance aujourd'hui est organisée en holocratie. Je prends mon temps pour dire le terme. Donc, on fonctionne en cercle. Et ça, c'est vraiment toute cette partie organisation. C'est l'association La Chouette qui porte toute cette partie, puisque elle est, pour nous, c'est l'essence du projet. C'est elle qui va soutenir la création artistique, et c'est vraiment l'ambition de ce projet est aussi de montrer un lieu de la transition, hein, de la transition écologique, montrer qu'il est possible de vivre autrement, sortir de cette société de consommation consumériste. Donc voilà. Et ensuite, il faut aussi... il nous fallait créer une économie autour de ce projet, donc subventionner quelque part la création artistique, et d'où l'idée d'avoir ce pôle économique avec l'hôtellerie, la restauration et les locations de salles. Donc on va faire exclusivement de l'accueil de groupe. Donc Francine en a parlé tout à l'heure, hein, donc je ne reviendrai pas dessus. Voilà, et en fait, l'économie, là, va permettre de financer les salaires, l'exploitation classique. Et là, on va être, ça va être une SCIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et donc, ça va nous permettre de faire rentrer aussi différentes catégories d'acteurs, puisque nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans quelque chose, en tout cas, poser les germes d'un nouveau monde, quelque chose de fraternel. Voilà. Pour autant, ça demeure une entreprise. Ça demande une entreprise, bien entendu. C'est clair qu'on est dans un monde où il faudra rembourser les prêts, payer le loyer, un certain nombre de choses. Donc payer les salaires. Enfin voilà, on est dans le monde réel. L'arbre dans ses feux, Marilon, Marilé. L'arbre dans ses feux, Marilon. Ok, les boys, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre? Ouais, moi, je vois un gars avec une chemise orange et un fusil qui pointe par ici. Qu'est-ce qu'il y a dit? Et dans cet arbre, il y a une branche. Dans cet arbre, il y a une branche. La branche est dans l'arbre, l'arbre est dans ses feuilles. Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. Ok, qu'est-ce qu'il y avait dans la branche? Un nœud? Oui, un vieux nœud. Hein? Et dans cette branche, il y a un nœud. Dans cette branche, il y a un nœud. Le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. Ok, t'as un nœud, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas, j'ai un trou de mémoire. Oh. Et dans le nœud, il y a un trou. Dans le nœud, il y a un trou. Le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. Ok, on a établi qu'il y avait un trou. Un trou? Juste où un trou? Ben, le trou dans tout. Si ils ont mis de quoi tout le tour comme du poêle, on ouvrirait le trou. Et dans le trou, il y a un nid. Dans le trou, il y a un nid. Le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. Ok, dans le nid ou dans le nid, qu'est-ce qu'il y avait? Un 8. Un 8. Non, un 9. Et dans le nid, il y a un œuf. Dans le nid, il y a un œuf. L'œuf est dans le nid, le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, Marilyn. L'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, dondé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, Marilyn. L'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, dondé. Hey, à part la neuf, là, moi j'ai comme une question. Qu'est-ce que le féminin des hiboux? Hibédet. Non, une hiboute. Et dans cette œuf, y'a un hibou. Dans cette œuf, y'a un hibou. L'hibou est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, Marilyn. L'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, dondé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilyn, Marilyn. Nous sommes avec 4 des 11 membres fondateurs du domaine de la Chouette. J'aimerais quelques mots sur le parcours de chacune et chacun d'entre vous. On va commencer par vous, Francine Gartner. Oui, alors moi j'ai un parcours assez éclectique. En fait, je suis biologiste et je suis danseuse également et professeure de danse. Voilà, donc j'ai un peu les deux pôles qui combinent ce projet, puisque je suis également phytothérapeute. Donc les plantes médicinales, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Et voilà, donc dans ce projet, ce qui m'a vraiment plu, c'est que ça me permettait d'exprimer en fait toutes mes potentialités, puisque l'objectif, c'est aussi d'accueillir ici des cours, des stages pour pouvoir exprimer son art et proposer ses services, mais aussi de pouvoir profiter de la nature environnante pour pouvoir faire découvrir aussi les plantes, la nature, la biologie qui va nous entourer. Il faudrait bien sûr plus de temps, mais je pense qu'on reviendra au domaine de la Chouette, peut-être en octobre 2020 ou plus tôt, ou au plus tard. Votre parcours à vous, Céline Campeto? Oui, alors moi j'ai commencé dès l'âge de 18 ans, après une carrière de sportif de haut niveau, à me tourner vers toutes les thérapies alternatives. Donc je suis devenue homéopathe uniciste et puis ensuite massothérapeute. Donc j'ai fait toutes mes études au Québec il y a une trentaine d'années. Et puis je suis passée par la confrontation à la réalité des gens en souffrance en étant dans un centre de maison d'accueil pour des jeunes vraiment délinquants ou en très grande souffrance. Et puis ensuite de ça, j'ai créé une compagnie de danse parce qu'en fait, vers l'âge de la trentaine, ça m'a apparu évident que je pouvais aussi apporter des forces d'harmonie et des forces de guérison aux gens par le mouvement. Voilà, et donc ensuite, 10 ans plus tard, j'ai créé à Strasbourg le lieu Amphora pour pouvoir créer le domaine de la Chouette ensuite. Même question, Francis Gartner, et votre parcours à vous? Alors, mon parcours est un peu particulier, ingénieur chimiste de formation. Avec un MBA en plus, j'ai été directeur dans une multinationale américaine. J'étais directeur dans le domaine de la qualité, responsable de 9 usines, ultérieurement de 3 centres de formation. Donc un parcours assez intéressant. Maintenant, je suis retraité. En parallèle à mes activités professionnelles, je pratiquais la danse avec mon épouse et en même temps, j'ai participé à de nombreux spectacles. Donc voilà un peu mon lien avec ce projet. En pleine transition, Francis, on termine avec vous, Emmanuel Mouillon. Oui, alors moi j'ai un parcours aussi atypique. J'étais 22 ans dans la finance, donc j'ai un master 2 en banque et finance. J'ai fait un business exécutif à HEC aussi. Et puis en 2008, il y a eu la crise financière internationale, j'ai décidé de quitter tout ça et j'ai réalisé mon rêve, celui de devenir comédien. Et donc je suis commencé à monter sur les planches assez rapidement et voilà, c'est qui je suis aujourd'hui, metteur en scène et auteur également. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Francine et Francis Gartner, Céline Campeto, Emmanuel Mouillon, 4 des 11 fondateurs, membres fondateurs du domaine de la Chouette à Klingenthal. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ou plutôt coup de gueule ou plutôt coup de cœur, laquelle veut commencer? C'est Francine qui veut bien prendre la parole. Oui. On serait plutôt coup de cœur. Restons positifs. Restons positifs, exactement. On est dans ce domaine plutôt positif. On veut développer effectivement un espace en accord avec beaucoup d'initiatives qui ont lieu actuellement. Je lisais tout à l'heure, juste où j'écoutais en fait une interview d'Aurélien Barraud qui défendait vraiment cette nouvelle économie qui devient vraiment nécessaire, c'est-à-dire aller vers beaucoup... Qui est Aurélien Barreau. Aurélien Barreau, c'est un scientifique, un mathématicien ou un physicien français qui a bonne presse par rapport à tout ce qui est développement de l'écologie et qui défend vraiment un nouveau mode de vie en fait, dans nos sociétés qui va être nécessaire pour l'évolution de notre nature, c'est-à-dire privilégier beaucoup moins de consommation, mais aller vers plus de solidarité, de partage, et d'aller vers vraiment ce retour à la nature et privilégier le respect de l'écologie sans dégrader notre environnement. Ça va également dans le domaine que défend Greta Thunberg. Enfin, voilà, on entend de plus en plus de voix qui s'élèvent par rapport à cette défense de notre vie. Avec aussi des voix discordantes qui peuvent pointer le phénomène Greta Thunberg dont vous parlez. Oui, bien sûr, elle est très, quelquefois, elle est un petit peu controversée, mais nous, on va tout à fait dans ce sens-là. Et on est très heureux de voir que, par rapport à notre initiative, on arrive à vraiment éveiller beaucoup de besoins et d'ouverture et d'intérêt par rapport à ce que nous défendons. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues s'engager pour faire nos travaux et qui ont envie de continuer aussi avec nous à défendre cette œuvre qu'on est en train de mettre en place, parce que je considère que c'est vraiment une œuvre commune qu'on a démarrée à 10 ou 11, mais que voilà, on aimerait qu'elle s'élargisse. On cherche encore des gens qui viennent nous aider, qui veulent éventuellement aussi investir dans ce projet. On a également les Incroyables Comestibles qui sont partenaires de notre projet, qui veulent venir construire ici un key hall, qui sont venus aussi faire des travaux, des lagages ici sur le site. On a la Ligue de protection des oiseaux, on est en relation avec eux, on est agréé comme domaine LPO. On est dans le domaine on est dans le réseau des colibris, on est agréé dans le réseau des colibris, donc le mouvement qu'a créé Pierre Rabhi, et donc on a eu cet agrément. On sent bien à travers votre propos, Francine Gartner, que, et on a entendu tout à l'heure aussi dans la bouche des autres membres fondateurs du domaine de la chouette, vous êtes à la fois dans un réseau artistique, parce que c'est votre métier de base aussi, plus ou moins en tout cas, mais aussi dans le domaine de l'écologie, et vous avez su mobiliser ces réseaux. Pour autant, on évoque bien sûr beaucoup la transition, nécessaire transition probablement, le besoin de changer. Est-ce que la nature humaine s'y prête à ce changement ? Alors, c'est Emmanuel Mouillon à nouveau. Moi, je pense qu'elle s'y prête. Il suffit souvent d'une petite chose pour déclencher, en fait. Et je pense que ce lieu, il est là aussi pour ça, c'est-à-dire éveiller et réveiller les consciences. Alors, ça paraît peut-être un peu arrogant, un peu présomptueux, mais pas tant que ça, parce que finalement... Ben on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont en quête, c'est-à-dire qui se posent un certain nombre de questions, qui sont notamment quand on est parent, quand on a des enfants, et que qu'on voit tout ce qui se passe et que on est du coup on s'y intéresse malgré tout, hein, parce que on s'inquiète. Et on n'a pas forcément effectivement le lieu pour en savoir plus. Voilà, et on n'a pas forcément le lieu. On a aussi, par exemple, nous ici à Klingenthal, on a la chance d'avoir une école Montessori avec qui on a déjà créé des partenariats. Ils sont venus ici faire un pique-nique. On a animé un cours de théâtre et de danse avec eux pour la fête de fin d'année. Donc c'était en juin 2019. Voilà, et on va créer une mare éducative pour la biodiversité avec les enfants, justement, pour toujours cette éducation. Et on pense très sincèrement, et on rencontre de plus en plus de jeunes qui sont sensibles à l'écologie et qui sont déjà en démarche. On parle de la nouvelle génération qui a plus d'ambition professionnelle. Et ben moi, je vais vous dire, tant mieux. Tant mieux. Vous qui êtes un ancien de la finance, Emmanuel Mouillon, quel regard portez-vous sur le projet de revenu universel ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que si... tout un chacun de nos concitoyens avait un minimum, le minimum, est-ce que vous ne pourriez pas imaginer que le monde changerait parce que les gens iraient vers quelque chose qui réellement leur tient à cœur et qui réellement les épanouisse plutôt que de perdre sa vie à la gagner ? Alors, comme dans toute bonne idée, il y a un côté pile et un côté face. Donc la bonne idée, effectivement, ça permettrait effectivement ce revenu minimum de s'offrir l'opportunité ou d'offrir l'opportunité aux personnes de pouvoir faire ce qu'elles aiment et ce qu'elles ont envie de faire. Et puis en même temps, le côté face, ou je ne sais plus par lequel j'ai commencé, mais donc l'autre côté de cette pièce, il ne faut pas que ça devienne de la prise en charge. C'est-à-dire que nous, notre souhait, c'est vraiment qu'il y ait une notion d'engagement et de responsabilité dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup, là, aujourd'hui, de notre temps et gratuitement. Hein. Bientôt, il y aura une exploitation et donc on sera rémunéré pour ce que l'on fait. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est une question aussi d'engagement, d'engagement volontaire et une question de courage, de cœur. Est-ce que la transition, justement, ne passe aussi pas, surtout peut-être essentiellement, par l'invention de nouveaux modèles économiques? Moi, je crois que c'est une nécessité. Moi, quand j'ai commencé, en fait, je suis arrivé dans le monde de l'art il y a 10 ans maintenant. Et quand j'ai vu l'économie de l'art, je me suis dit qu'il était urgent de réfléchir à quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'a germé cette idée, en fait. Je me suis appuyé sur mes connaissances de financier et j'ai accompagné des entreprises pendant plus de 15 ans. Et c'est partant de là qu'est venue aussi l'économie de ce projet. Parce que pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait une économie. Francine et Francis Gartner, Céline Campeto, Emmanuel Mouillon, merci. Merci beaucoup. Voilà pour ce reportage sur le domaine de la Chouette en Alsace, à Klingenthal, c'est dans le Bas-Rhin, à l'ouest d'Aubernais, avec 4 des 10 membres fondateurs de ce lieu magique et magnifique. Céline Campeto, Francine et Francis Gartner et Emmanuel Mouillon. Pour en savoir plus, découvrir cet espace qui allie tellement l'art et la nature qu'on y trouve même une chouette qui fait coucou, clin d'œil à Francis, mais aussi le calendrier des activités et pourquoi pas le soutenir, rendez-vous sur domainedelachouette.org. Vous avez pu écouter, dans l'ordre, Les Artistes par le groupe Les Frangines, Il faut que je m'en aille par le franco-néo-zélandais Graham Allwright. Nous aussi, ça nous fait de la peine que tu te sois en allé. Et enfin, La chanson du hibou par Roland Gauvin. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.